Chez Dolbo Auto, profitez des différents rabais de fin d'année. Le Colorado 2019 à partir de $84 par semaine, aucun acompte et un taux d'intérêt préférentiel de 1,9% pendant 60 mois. Ou encore, venez faire un essai du Silverado 1500 2019, $91 par semaine plus taxes, aucun acompte pendant 84 mois à 0,99% d'intérêt. Dolbo Auto, 1700 Boulevard Walberg, Dolbo Bistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbo Auto vous invite à acheter local pour soutenir notre économie. C'est le commentaire de demandeur, notre ami Phil Desgains. Salut Phil. Salut Danny. Phil, on va parler un peu du Canadien contre le Wild du Minnesota. C'était deux équipes qui étaient quand même le Wild du Minnesota. Lorsqu'on parle du Wild du Minnesota, j'ai l'impression que c'est une équipe qui va se battre pour Alexis Lafrenière. Une équipe vieillissante. C'est effectivement le cas pour l'instant, c'est sûr. Puis en plus, on sent qu'il n'y a pas une harmonie très, très forte. Mais je regardais l'alignement de départ hier de l'équipe du Minnesota. Je me dis qu'il n'y a pas grand joueur de qualité là-dedans. Puis il n'y a pas grand joueur non plus qui sont dominants. Et hier, le Canadien a été opportuniste en première période. Ils ont marqué les buts importants en avantage numérique. Et je pense également que le Canadien, exemple, contre Tampa Bay lundi soir, si on exclut 3 buts en 3 minutes, le reste du temps, ils ont été au même niveau un peu que Tampa Bay. Donc, on n'avait pas joué nécessairement un très mauvais match, mais 3 minutes de trop, c'est une partie, c'est 60 minutes, mais les 57 premières minutes étaient quand même bonnes. Les 3 minutes qui ont coûté 3 buts aux Canadiens, bien, elle leur a fait mal, puis ça a fait mal paraître, mais j'ai l'impression qu'on était prêt pour cette rencontre. Mais c'est ça, c'est des points qu'il faut que tu gagnes, là, si tu veux lutter. Ah, exact, t'as raison, là. Surtout contre Minnesota, c'est une équipe qui est en bas de classement. Quand tu peux battre une équipe qui est en haut du classement, c'est encore mieux. Mais moi, personnellement, je pense que je regarde les matchs que le Canadien a joués depuis le début de l'année. On sent qu'il y a une défaillance au niveau de la défensive qui est très grande. 28e avant le match hier. 28e avant le match hier, Phil. Oui, oui. Ouais. Mais il reste que quand je regarde un peu l'ensemble des rencontres, ils n'ont pas joué de mauvais matchs. On a joué contre Toronto, qui est une bonne équipe. On a joué contre Tampa Bay, qui est encore une très, très bonne équipe. Mais moi, personnellement, Saint-Louis, c'est quand même les champions de la Coupe Stanley. Quand je regarde ça, je me dis, c'est pas si mal, mais on voit que les lacunes que le Canadien a paraissent grandement, surtout quand tu joues contre de très bonnes formations. OK. Je veux te parler de Victor Mété, son premier but hier, enfin. Enfin, je pense qu'il va avoir une tonne de pression, je pense qu'il va faire ça. Ben, oui, puis je pense que ça va lui donner confiance. Écoutez, je pense qu'on en demande beaucoup à Mété. Il est seulement que 21 ans. Il joue avec un joueur qui est considéré comme parmi un des bons joueurs dans la Ligue nationale, avec Weber, mais c'est jamais facile de jouer toujours avec un bon joueur. Des fois, t'as peur toujours de faire une erreur, de pas être à la bonne place, donc il y a de pression. Il faut qu'il prenne confiance. C'est exactement ce qu'il a besoin. Hier, le but qu'il lui a donné, qu'il a marqué, va certainement lui donner cette confiance-là. Et moi, personnellement, je pense qu'il avait besoin de ça pour enlever la pression qu'il avait sur les épaules d'enfin marquer un but. D'ailleurs, tu as vu la perception des joueurs au banc quand il a marqué le but, comment tout le monde était heureux pour lui. Je pense que tout le monde sentait qu'il y avait cette pression-là. Maintenant, ben, il peut passer à d'autres choses et s'occuper de son jeu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. OK. Phil, il me reste 2 points que je veux te parler. Je veux te parler de ton article du quotidien cette semaine. Oui. Le Challenge Bank National, c'est une belle activité, surtout que le tennis est en pleine montée du côté de la popularité de ce sport-là. Je trouve ça dommage. Ce que tu nous as appris cette semaine? Ben, écoute, c'est une entente depuis quand même quelques années, il faut dire que la ville faisait ses devoirs, puis allait bien, puis c'est une belle entente. Sauf que au moment où on se parle, puis là, cette semaine, en plus, Jean Delisle a gagné 3 trophées supplémentaires de plus. Donné par Promotion Saguenay, en plus, une organisme qui est quand même chaponné par la Ville. Moi, je pense que la Ville est mal placée pour ne pas dire on signe une nouvelle entente, au moins au même niveau qu'ils avaient l'an passé pour les 3 prochaines années. Parce que moi, ce que Jean Delisle me dit, actuellement, les commanditaires sont renouvelés pour 3 ans. Les bénévoles qui sont là sont vraiment impliqués depuis de nombreuses années et sont prêts à continuer. Et là, Tennis Canada est prêt à certifier parce que regardez ce qui est arrivé avec le tournoi de tennis de Québec. Un manque de financement. Deuxièmement, c'est quoi? Il y a des villes à travers le monde qui veulent acheter des franchises comme ça pour avoir des tournois du côté féminin. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est important pour Ville de Saguenay de faire une entente de 3 ans avec le comité organisateur pour qu'eux puissent signer une bonne entente avec Tennis Canada pour maintenir ça. Parce que, il faut le dire, depuis quelques années, le tournoi avec 60 000 $ US devient quand même un rouage important, un tournoi important pour plusieurs, et surtout au niveau de la relève. Et ce qui est le fun, c'est que c'est des jeunes. Moi, je suis allé l'année passée, puis quand j'ai vu Andrescu, j'étais tellement impressionné par la frappe de balle. Je disais, elle frappe comme un gars, cette fille-là. C'est à sommet, la balle, elle rentrait. Tu sais quoi? C'est un peu le rôle dont ces fameux tournois satellites-là. C'est de mettre une chose. Et Angela Kerber est venue ici. Il y a différents joueurs qui sont venus, joueuses qui sont venues. Et là, on les voit parmi l'élite mondiale. Ben, c'est le fun de dire, j'ai une photo, je me rencontre. Hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait que cette semaine, il est allé au Centre Vézina se faire photographier avec Lafrenière. Il me dit, dans une couple d'années, cette photo-là va vouloir quelque chose pour moi. Là. Donc, c'est la même chose avec les joueuses de tennis. Andrescu, l'an passé, était ici. Un an plus tard, est cinquième au monde. Ben oui. Quand tu regardes ça, tu dis c'est extraordinaire. Angela Kerber est parmi l'élite, parmi les 7-8 meilleures joueuses au monde. Elle était ici il y a quelques années. Madison Keys n'a pas déjà joué ici aussi. Oui, Madison Keys était venue également. Ouais, donc, tu sais, il y en a plusieurs de ces filles-là qui ont passé par ici le challenge. Et moi, je pense que, exemple, la jeune Hernandez qui va être la semaine prochaine, Fernandez qui va être la semaine prochaine, est considérée parmi l'élite mondiale junior. Elle a gagné Roland-Garros. Puis je vais y parler, Phil. Elle risque d'être parmi les 10 meilleurs. Ouais, je vais y parler, Phil, la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite. Oui. On devrait y parler à Lila et Fernandez pour ça. Mais pourquoi hein, que ça traîne de même? C'est-tu de la bureaucratie? C'est-tu de la... Ben, non, écoute, je pense que la ville de Saguenay, depuis quand même un an ou deux, avec nouveau conseil de ville, ont décidé d'avoir maintenant... une nouvelle façon d'attribuer des montants d'argent. Il faut que ça passe par le fameux document qu'on doit remplir. À partir du document que tu remplis, là, il y a quelqu'un qui va te communiquer, qui va te rencontrer. Après ça, ben là, c'est le conseil de ville qui va approuver. Alors qu'avant, c'était directement Promotion Saguenay qui acceptait ces montants-là. Donc, c'était plus facile à ce moment-là pour bien des organisations. S'en allait à Promotion Saguenay, ils savaient... qu'est-ce qu'il avait fait l'année passée, puis de quelle façon il a travaillé. Il travaillait toujours avec la même personne. Maintenant, ben, c'était différent. Mais ça, c'est le conseil de ville qui est actuellement en place, qui décide de ces choses-là. C'est leur nouvelle façon. Il faut respecter ça. Sauf que Jean Delisle, il attend la réponse le plus rapidement possible parce que lui, il veut signer une entente avec Tennis Canada. Parce que si ça traîne, eh bien, Tennis Canada peut dire, écoutez, là, nous autres, là, puis je pense pas que l'organisation puis les bénévoles peuvent s'embarquer sans une commandite majeure de la part de la ville. C'est clair, mais oui. Je ne verrais pas pourquoi. Surtout que le tennis, c'est ben pas... Non, moi non plus. Là. Moi, je pense que ça va se régler. Sauf que Jean Delisle, lui, il espérait avoir ça avant la fin du tournoi pour dire, l'an prochain, dire à tout le monde, on est prêt, voici, puis signer l'entente avec Tennis Canada. Parce que, tu sais comme moi, tout dossier qui traîne avec ces organismes-là, ça risque qu'une autre ville se présente, voici ce qu'on peut offrir, avec le même chose, alors que nous, on a une notoriété. On a des bénévoles qui sont en place, une organisation qui est en place. On sait comment ça fonctionne. Si tu vas puis t'attends que d'autres villes se présentent avec d'autres choses, ben, il risque des fois peut-être de te perdre. Il y a quand même des... semble-t-il que dans les pays comme le Qatar, les pays comme le Moyen-Orient, semble-t-il qu'il y a énormément d'argent, puis ils en veulent des tournois de tennis. Le Québec, ils l'ont vendu, le tournoi. Là. Ils l'ont vendu à Québec, là. Pourquoi? Parce qu'il manquait de financement. Donc, à ce moment-là, eux autres, ils ont fait un montant d'argent, puis ils ont dit, maintenant, l'argent qu'on a fait avec ça, on va le réinvestir dans le tennis junior, puis au niveau de la relève. Mais ici, au Saguenay, c'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre tournoi avec les qualifications qu'il y a, puis c'est un tournoi qui a même une certaine importance, puis qui est bien vu à travers le monde. Là. Mm. Et toutes les joueuses qui sont venues ici gardent un souvenir tout à fait exceptionnel, et ça, je pense que c'est important pour l'organisation. Phil, il me reste un point, je veux te parler. Je suis dans les bilans des clubs de golf cette semaine. Ils sont pas mal fermés. 15% d'augmentation à Saint-Prime. Je reviens sur ton article que tu avais fait cet été. Là. C'était difficile c'est quand même. Il se passe quand même des belles choses. 15% d'augmentation à Saint-Prime, c'est bon pareil? C'est très bon. Moi, je pense qu'à Saint-Prime, il y a un renouveau. Depuis que M. Junior Junot est là, deuxièmement, on a fait des changements. On a alourdi la dette également en vendant des terrains pour bâtir des maisons. On a fait des efforts pour vraiment changer la dynamique. Ici, à Saguenay, on me dit que dans l'ensemble, les clubs de golf ont connu une très bonne saison jusqu'au 1er septembre. Le mois de septembre a été plus difficile pour certains clubs, sauf que l'inverse, le mois d'octobre, est beaucoup supérieur à l'an passé, parce que l'année passée, moi, pour te donner un exemple, J'ai joué une fois au mois d'octobre l'année passée. Okay. Cette année, j'ai déjà 7 à 8 parties de jouer. Donc, ça prouve que la température est beaucoup plus clémente et beaucoup plus facile. Et ça, je pense que les clubs de golf sont heureux. Sauf qu'on a eu un été quand même tout à fait exceptionnel. Les gens étaient au rendez-vous. Les clubs de golf se sont ajustés également avec des forfaits innovateurs. Et ça, ça a donné quand même des bons dividendes. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle pour les clubs de golf. Moi, je pense que dans l'ensemble, les clubs de golf ont fait une très bonne année. Maintenant, quand on va avoir le bilan financier, on va voir exactement si les promotions où on a donné des rabais, est-ce que ça a donné des résultats escomptés? Ben là, on verra avec le bilan. Mais je pense que dans l'ensemble, les clubs de golf doivent se dire mission accomplie. Mais c'est tellement tributaire au beau temps. C'est tellement tributaire. Ah, exactement, tu as raison, là. C'est tributaire au beau temps, mais c'est tributaire également à la relève. Ouais. Parce que le problème des clubs de golf, c'est que 80-85% des membres sont des retraités. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, pour toutes sortes de raisons, les membres reviennent pas l'année d'après, soit sur maladie, soit que quelqu'un est décédé. Ouais. C'est que la jeune relève. Les gens de 25 à 40 ans ne sont pas là. Ils sont pas au rendez-vous. Ils ont d'autres priorités. C'est la famille. C'est qu'ils ont des comptes à rendre également. L'épouse travaille. Donc, les fins de semaine, monsieur ne peut pas partir tout seul pour dire qu'il va au golf, là. Le monsieur, il y a des enfants, il faut qu'il s'occupe de la famille. Donc, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a plusieurs années. Mais actuellement, les clubs de golf vivent sur du temps emprunté. Il faut qu'ils trouvent des moyens d'attirer une nouvelle clientèle parce que les moyennes des clubs de golf est autour de 63, 64, 65 ans. Et ça, malheureusement, ben, c'est une relève qui diminue tranquillement et on la remplace pas. Les clubs de curling vont vivre ça également dans les prochaines années. Ah, oui. Là, actuellement, le curling, ça va bien parce que c'est un sport qui croît en popularité, qui croît également au niveau de nouvelles clientèles qui tombent à la retraite, mais ils vont vivre le même phénomène dans les prochaines années parce qu'ils n'ont pas de relève. Mm-hmm. C'est toujours le même problème. Ouais. C'est de trouver une façon d'attirer les jeunes, soit dans les clubs de curling ou soit dans les clubs de golf. Puis l'offre est tellement rendue grande aussi. Exactement, l'offre est grande. Puis deuxièmement, les gens avant s'identifiaient à un club. Mm. Ah, moi, je suis membre là, puis chaud. Maintenant, les jeunes... Il dit, non, moi, je vais aller jouer à Arvida, je vais aller jouer au golf à Port-Alfred, je vais aller jouer au Lac-Saint-Jean, je vais aller jouer à Saint-Prime, je vais aller jouer à Chicoutimi. Il s'identifie pas. Avant, les gens disaient, hey, c'est mon club de golf, j'encourage, je suis là. Les gens n'allaient pas beaucoup jouer à l'extérieur. Maintenant, c'est une philosophie différente. C'est pour ça qu'il y a des forfaits qui s'ajustent. On a des forfaits 20 parties, on a des forfaits 30 parties, on a des forfaits 5 jours, on a des forfaits week-end, on a des forfaits lefto. T'sais, avant, on n'avait pas ça. Tu étais membre de ton club. T'es allé, quand tu voulais y aller, soit la semaine, les fins de semaine ou le matin, il n'y avait pas d'autre forfait. Maintenant, on est obligé de s'ajuster à la clientèle. Hey, Phil, il me reste un point que j'étais complètement en train d'oublier, puis je voulais te parler. Donald Brashear, comment tu as trouvé ça cette semaine? Moi, j'ai trouvé que le gars, il a beaucoup, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité de faire. Tu sais, quand tu as joué 1000 matchs dans la Ligue nationale, puis tu vas servir du café au Tim Hortons à Québec. Moi, je trouve. Moi, là, que... si j'étais Donald Brashear, j'aurais dit aux médias, voulez-vous me foutre de la paix? Ouais. J'ai eu assez mes problèmes. Je veux me rebâtir une vie. Laissez-moi donc tranquille. Tu mets ça sur la place publique. Ouais. Tu sais, il veut pas être la cible et quasiment être le gars qui t'envoie dans un zoo pour dire, mais allô, Tim Horton, je veux voir Donald Brashear. C'est pas ça qu'il veut, Donald Brashear. Donald Brashear, il veut se reprendre sa vie en main. Mm. Et c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, je trouve que les médias en ont mis deux fois plus que le client en demandait. J'ai pas l'impression que lui demandait ça. Puis il voulait pas avoir ça. Puis je pense pas que Pierre Sévigny, qui est propriétaire de cette Tim Horton-là, voulait faire également une histoire avec ça. Il a parlé, Phil, il a parlé à Radio de Québec, parce que moi, j'écoute beaucoup la Radio à Québec, là, oui. Puis il a dit jamais j'aurais pensé que ça virerait comme ça. Là. Ah oui, je le comprends parfaitement, là, je ne l'ai pas écouté d'entrevue, mais moi, le premier, j'aurais été malheureux. Oui. Lui, il a voulu donner à Brashear une occasion de dire, Donald, reprends-toi en main. Voici ce que je peux t'offrir, moi, Pierre Sévigny. Je ne peux pas t'offrir un job à 100 000. Moi, j'ai des Tim Horton. Est-ce que t'es prêt à travailler là? T'sais, lui, s'il veut se rebâtir une confiance, puis il veut se rebâtir une vie, puis s'occuper, parce que je me dis toujours, la mère de tous les vices, c'est l'oisive. T'sais, si lui, il est occupé, il travaille, il prend goût, peut-être que lui, écoutez, il a gagné quand même 15 millions dans sa carrière de hockey. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. Moi, j'ai jamais gagné ça dans ma vie. Là. Mais, donc, c'est ça que je me dis, simplement. Mais j'ai pas l'impression que Donald Brashear voulait... Je pense pas que Pierre Sévigny voulait ça non plus. Là. Non. Puis je trouve ça de. Moi, je trouve que moi, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que Brashear a beaucoup de mérite. Je comprends ça parfaitement. Là. Je crois qu'il qu'il fasse ça, ça prend beaucoup d'humilité. Oui. Et ça prend vouloir de vraiment se reprendre en main. Ça m'impressionne, moi, de voir le cheminement qu'il fait, là. Mais vous allez me dire, il n'y a peut-être pas le choix. Oui, mais il pose le geste et lui, il est prêt à le faire. Ben, il y en a qui pourraient s'enlever. Il y en a qui pourraient s'enlever à vie. Il y en a qui pourraient. Comme il y en a plusieurs. Ah, oui, écoute, il y en a plusieurs aussi. Des Derek Bogart, des joueurs, des bagarreurs comme lui, il y en a plusieurs qui se sont enlevés à vie. John Cordick, on a un qui a accepté John Cordick, qu'on a vu à Québec puis qu'on a vu à Montréal. C'est-à-dire, moi, personnellement, ça m'impressionne ce que Donald fait. Il veut se prendre en main. Tant mieux. Puis probablement que s'il va bien, peut-être que quelqu'un pourra lui offrir une opportunité d'avoir encore un meilleur travail, on va faire un peu plus d'argent, parce que c'est quand même un personnage, Donald Brochet, que tout le monde connaît. Mm. Mais là, pour l'instant, avec ce qu'il a vécu les dernières années, avec les problèmes qu'il y a eu avec la justice, c'est sûr que de retourner pour être vendeur de café chez Tim Hortons, j'en connais pas beaucoup qui auraient posé un tel geste. Ouais. Phil, un gros merci, on s'en parle le vendredi prochain. Merci, au revoir.